Je suis lasse d'être fille, maman, il me faut un amant. Quand je sors dans la ville, l'on me rine, on me badine. Maman, il me faut un amant, absolument. Mais voyons, petite sotte, tu n'as guère que 14 ans. Les jeunes filles de ton âge doivent être sages, doivent être sages, doivent être sages jusqu'à 20 ans sans amant. J'aurais grand peur d'être morte à mon âge de 20 ans. Je connais un gentilhomme qui m'a dit, oh ma mignonne, voudrais-tu bien te marier sans tarder? Ah ma fille, prenez bien garde, les amants sont des trompeurs, les amants sont des volages quand ils parlent de mariage. Les amants sont des trompeurs dans leur cœur. Ah ma fille, voilà la route qui te mènera au couvent. Ah ma mère, voilà la mienne qui me mène dans les bras de mon cher amant que j'aime tant. Ma mère, pour mettre au couvent, il vous faudrait de l'argent. J'aimerais mieux, et pour cette somme, prendre un homme, prendre un homme. Et j'aurai le cœur plus content qu'au couvent. Eh bien, elle est tout entière, cette fois.